prochaine édition du week-end. Merci pour ces 3 heures passées ensemble. On se retrouve demain. Le carnet de plaine sur Antenne 87, votre émission de proximité. Le carnet de plaine sur Antenne 87, votre émission de proximité. Bonjour, c'est Alex. Vous êtes sur Antenne 87. Je vous propose de passer 45 minutes en ma compagnie et en celle de mon invité. Une personnalité locale, connue, très connue ou un peu moins connue, qui va nous partager ses souvenirs, nous dévoiler ses émotions, au gré de ses confidences musicales. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ces nouvelles confidences musicales. On vous gâte sur Antenne 87. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, mon invité vous avait ouvert les portes de la musique baroque. Ce matin, c'est l'univers du flamenco qui s'offre à vous. Univers, oui, car au-delà de la musique, de la danse, il y a toute une culture avec ses valeurs, ses codes, son vocabulaire. Mon invité va vous surprendre parce que son parcours est tout simplement remarquable. Elle n'est pas espagnole, le flamenco, elle n'est pas tombée dedans toute petite. Et pourtant, elle a fait de sa passion une profession. Sa trajectoire a été jalonnée de rencontres lumineuses, inspirantes, évidentes. Como cada noche desperté. Sophie Gonzalez Pieracci. Bonjour. Bonjour Alex. Merci de vous prêter au jeu des confidences musicales. Alors, j'ai planté le décor. Donc, Sophie, vous avez été danseuse de flamenco professionnelle. Combien de temps ? Une vingtaine d'années. Ouais. Ça compte dans une vie. Ah oui, oui, ça compte beaucoup. Ouais. Oui. Et maintenant, vous êtes mon invitée parce que vous vivez sur notre territoire des plaines champenoises et vous avez décidé de donner de votre temps pour faire partager votre passion et vous êtes redevenue, parce que vous l'avez été aussi, prof de flamenco sur les plaines de Champagne. Est-ce qu'on peut dire, côté petit pratique, hein, où, quand, comment, vous donnez des cours où ? Alors, ou à la maison des sports, à Cézanne, les jeudis, à 19h, de 19h à 20h, au sein de l'association Amica Danse. Oui, c'est important de citer, c'est une grosse association de notre territoire, très dynamique. Oui. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire, Sophie, ou il est trop tard parce que l'année est lancée ? J'ai envie de dire que c'est un petit peu juste. Si on a peut-être déjà quelques bases, c'est possible. Si on est vraiment totalement vierge, totalement débutant, ça peut être un peu compliqué parce qu'on a commencé à acquérir un peu juste des bases. Alors on dit aux personnes qui ont envie d'en faire, hommes comme femmes, hein, parce que souvent dans les cours de danse, il y a beaucoup de femmes, mais les hommes peuvent venir aussi, ils sont les bienvenus. Eh bien, rendez-vous au spectacle de fin d'année, ça vous donnera le goût, l'envie, l'idée, et inscrivez-vous l'année prochaine. Tout à fait. Voilà. Alors, ça, c'est planté. Moi, je voudrais tout simplement aussi revenir. Évidemment, on va dérouler tout ce parcours. Hein. J'ai mis l'eau à la bouche de nos auditeurs. Votre parcours est remarquable. Moi, quand vous m'avez raconté, j'ai été absolument époustouflée par cette volonté, cette détermination. Comme je l'ai dit, hein, vous n'êtes pas tombée dedans toute petite, quoi. Donc, on va suivre tout ça. Et en plus, on a du temps parce qu'on va faire une émission un peu plus longue qu'une heure. On a décidé de dérouler un peu pour ne frustrer personne. Mais ce morceau que vous avez choisi en introduction, c'était avant votre découverte du flamenco. Est-ce qu'on peut dire que c'était déjà un peu le goût de l'Espagne ? C'est possible. C'est tout à fait. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, là, maintenant, avec la rétrospective que j'ai été amenée à faire aussi, parce que c'est pas tout jeune. J'ai pas 30 ans. Hein. Bah, vous n'avez pas. Il n'y a pas d'âge pour les vies bien remplies. J'ai quand même dû regarder un petit peu en arrière. Et c'est comme ça que je le vois maintenant aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça a été mon premier contact avec l'Espagne et avec la langue espagnole. J'ai appris la chanson par cœur, mais de façon phonétique, parce que je n'avais jamais parlé un seul mot d'espagnol. J'ai même peut-être fait semblant de chanter devant un miroir, et donc je la connaissais par cœur, mais phonétiquement, en ne comprenant absolument rien à ce que je disais. Alors, pour les auditeurs, on va rappeler, donc c'est la chanson Porqué te vas, qui est issue du film Cria Cuervos. Absolument. Moi, je n'ai pas l'accent espagnol, hein, vous m'excuserez, de Carlos Saura. Absolument. Et c'est vrai que c'est un film des années 70, et honnêtement, ça a fait le buzz, comme on dit. Hein, c'est un morceau que tout le monde entendait à la radio, tout le monde a chanté ça à un moment ou à un autre, en sachant. D'ailleurs, on va le dire une bonne fois pour toutes, parce que Porqué te vas, c'est pas pourquoi tu t'en vas. Parce que tu t'en vas. Tu t'en vas, voilà. Je pense que c'est important de le dire. Oui, tout à fait. C'est pas une question, hein. C'est une affirmation. C'est parce que tu t'en vas. Ouais. Et puis le film, c'est l'unique morceau du film, hein, parce que c'est quasi la bande son, c'est que cette chanson-là. Oui. Un film qui est quand même lourd, hein. Carlos Saura, c'est pas facile comme cinéma. C'est Carlos Saura, et ça a son importance. Oui. On en parlera, parce que comme j'ai dit, votre vie a été jalonnée de rencontres très importantes, des moments comme ça, d'évidence, qui vous font avancer, qui vous montrent le chemin. Oui. On va évidemment savourer tout ça. Moi, je propose à nos auditeurs de tout de suite se mettre dans l'ambiance purement flamenca, là, pour le coup, pour évidemment bien mieux comprendre de quoi on va parler ce matin. Oh, bah là, je crois qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Hein, on est vraiment sur une émission flamenco. Alors, attention, pour certains de nos auditeurs qui se disent « Oh là là, moi je n'aime pas ça, hein, ce n'est pas pour moi, restez !» Parce que Sophie nous a préparé une superbe playlist avec des surprises et des styles totalement différents. Mais notre propos, c'est quand même le flamenco. Donc là, on a vraiment l'ambiance sonore qui s'est installée. Maintenant, Sophie, je veux comprendre comment le flamenco est venu à vous. Racontez-nous. Alors, j'aime bien, Alex, votre façon de poser la question parce que j'ai le sentiment que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, un jour, le flamenco est venu à moi. Je crois pas au hasard, hein, donc je suis sûre que c'était pour une bonne raison. Hein, d'ailleurs, la suite me l'a confirmé. Alors voilà, comment ça s'est passé? En fait, en 84, je tombe sur le film Carmen. Carmen de Carlos Saura. En effet, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Alors, bon, c'est Carmen, c'est une adaptation cinématographique d'inspiration flamenco. Oui, on n'est pas sur la version opéra classique, etc. C'est une adaptation flamenca. Flamenca de Carlos Saura, avec des grands noms, hein, avec Cristina Hoyos, avec Paco de Lucía. Avec les meilleurs de l'époque, donc, voilà, vraiment il me les semble. Meilleurs de l'époque. Et Antonio Gades, évidemment, le maître de la danse. Je tombe sur ce film qui était diffusé sur une chaîne cryptée de l'époque, environ un an après sa sortie. Et là, ben un peu par hasard en plus. Vous aviez vu le programme et vous avez dit pas du tout. Ah non, donc c'est vraiment le hasard. Oui, enfin oui et non parce que il y a pas de hasard à mon avis, mais ça c'est mon sentiment personnel. Hein. Mais oui, le hasard si on veut dans le sens où j'ai pas regardé le programme. En tout cas, vous êtes pas dit oh là là, il y a Carmen de Carlos Saura qui passe vite, je me bloque, je vais le regarder. Voilà, parce que j'avais jamais du tout entendu parler de flamenco ni. C'est fou, moi j'adore ce genre d'histoire, j'adore ça. Donc je tombe là-dessus, je dis tiens c'est pas mal, je commence à regarder et évidemment là je suis restée scotché. Mais parce qu'il y a plein de gens qui regardent et qui disent bon, bah, d'accord, mais c'est pas pour moi, hein, c'est pas mon truc. Hein. Vous, pas du tout. Pas du tout, voilà, je suis restée scotchée du début à la fin, sans trop savoir pourquoi sur le moment. Et indélogeable de mon fauteuil, là, ce jour-là. Et en tout cas, sans savoir trop ce qui m'arrivait sur le moment, je suppose, mais avec la ferme détermination de faire ça. De faire ça. Je me suis dit, faut que j'étudie ça. Est-ce que déjà, parce qu'évidemment, je vais vous poser des questions sur ce que vous ressentez quand vous dansez, hein, en termes d'émotion, de vibration et tout ça, mais est-ce que déjà, en les regardant, vous avez senti une vibration en vous? Comme une connexion à la danse? Alors, une connexion vous à la danse. Ça a été un goût purement culturel, artistique, alors, je pense que comme ça. Ce qui m'a d'abord, attirée, séduite, parce qu'au départ, quand on ne connaît rien, on est séduit par l'image que donne le flamenco, oui, en termes d'image. De sensualité, de force. Voilà, de sensualité, mais de force, d'intensité, oui. d'intensité musicale, gestuelle. Il y a le chant, qui est comme déchirant, comme on l'a entendu avant avec Cameron. Hein. Donc ça, forcément, ça m'a percuté très très fortement. Mais je veux quand même préciser que ce qui m'a impacté, je pense que c'est la danse. Mmh. En premier, parce que j'ai toujours aimé la danse, alors depuis l'âge de 5-6 ans. Oui, vous étiez déjà danseuse. Voilà. Donc, grande amoureuse de la danse, plutôt classique. Et pratiquante. Voilà, et pratiquante. C'est important, fervente, pratiquante. C'est important pour la suite de l'histoire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'expression corporelle que j'ai vue dans ce film-là m'a complètement subjuguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Qu'est-ce qu'on en fait de cette révélation? Alors, on en fait que très très vite, on essaye de se renseigner avec les moyens qui existaient à l'époque, hein, donc pas d'internet, oui, pas sûr, tout ça. Sûr, hein, on y arrivait très très bien. On discute, d'autant on pose que des questions. Vous étiez sur Paris, il faut le dire. À l'époque, vous n'étiez pas sur les plaines de Champagne. J'étais en région parisienne, donc à Paris, on trouve tout. Hein, bien sûr. Donc, je travaillais aussi, déjà, j'avais un job alimentaire à l'époque. Et donc, en en parlant autour de moi, je tombe sur quelqu'un qui me dit, ben voilà, il y a un centre de danse en plein cœur de Paris, rue du Temple, tu vas sûrement trouver chaussures à ton pied, sans mauvais jeu de mots. Et effectivement, je pense que le soir même ou le lendemain soir après le travail, j'ai pris le métro. Ni une ni deux, Sophie, très volontaire quand même, très déterminée. Ah ben oui, non, mais quand on sent qu'il y a quelque chose de comme de, ça, de d'évident, d'évident, qu'on n'arrive pas vraiment à cerner, mais qui est là, il faut en faire quelque chose. Voilà, j'ai foncé et effectivement, il y avait pas mal de cours de flamenco qui étaient proposés parmi tout un tas d'autres disciplines. Et je me suis inscrite et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours. Et là, ça vous a plu tout de suite. Vous vous êtes sentie bien dans la danse. Ah, parce que c'est une chose de l'aimer visuellement, c'en est une autre de l'intégrer dans son corps. Ah, oui. Alors, tout d'abord, j'ai assisté à un ou deux cours, parce qu'on pouvait assister aux cours avant de s'inscrire. Et je me suis dit, oui, non, mais là, c'est clair, j'ai envie de faire ça. On verra après. Mais et vous l'avez fait beaucoup. Beaucoup. Expliquez-nous, parce que voilà, il y a les gens qui font les choses en dilettante. Oui. Et il y a ceux qui se nourrissent, comme vous l'avez fait. Vous m'avez dit que très rapidement, vous avez accéléré le rythme des cours. Oui. Et c'était quoi votre rythme, pour qu'on se donne une idée ? D'un cours par semaine, je suis passée à quasiment 4, 5, 6 cours par semaine, les week-ends, les vacances, des stages, enfin, tout ce que je pouvais faire. Tout votre temps libre, vous l'avez dédié au flamenco. Voilà, voilà. Et alors, on va évidemment parler du travail, etc. Mais vous avez, au bout d'un an, vous aviez quel niveau à peu près? Enfin, vous étiez déjà très à l'aise? Enfin, est-ce que c'est allé très vite? Alors, au bout d'un an, cet apprentissage? Vous dire, il est évident que quand on... Alors, j'aime pas parler de dons, mais quand on a quelques prédispositions, déjà une appétence pour la danse, pour le rythme. Alors, le rythme, ça m'a percuté aussi tout de suite. Parce que le rythme, il est fondamental dans le flamenco. Oui, on va en reparler un peu plus tard. Mais donc, ça m'a vraiment impacté immédiatement. Quand on a cette appétence-là et qu'on commence à y consacrer tellement d'heures et qu'on s'ouvre à ces apprentissages-là à 100%, on progresse, forcément. Et puis, pendant tout ce temps-là, il y a quand même des gens qui ne sont pas du tout doués pour telle ou telle chose. Ils sont doués pour autre chose. Oui, sans doute, mais vous avez senti qu'effectivement, il y avait des prédispositions. Il y avait quelque chose qui faisait que j'ai pensé que je pouvais faire mon chemin de façon, avec humilité, mais faire mon chemin de manière, avec dignité et respect des codes, et voilà, mais que je pouvais probablement en faire quelque chose. Il n'y a pas de problème, alors là j'ai tout de suite ma petite question impertinente d'Alex, il n'y a pas de problème de légitimité, c'est-à-dire on ne se dit pas mais il faut être espagnol quoi, pour danser le flamenco, sinon on singe un peu une autre culture, c'est pas un souci ça. Non, en tout cas je ne l'ai pas ressenti du tout. Parfois certains essayent de nous le faire ressentir, mais ça c'est autre chose, ça vient de l'extérieur. Moi je n'ai pas eu du tout ce sentiment, d'autant que j'ai côtoyé très rapidement des gens qui venaient d'autres cultures, qui n'étaient pas du tout espagnols ou qui avaient pratiqué d'autres disciplines. En fait, la danse et la musique appartiennent à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire ça? La danse et la musique, oui, bien sûr. Appartiennent à tout le monde. Absolument. À qui veut ouvrir son cœur? On peut pas dire mieux. Simplicité. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et oui, vous avez parlé de simplicité et d'humilité, c'est important. Oui. Mais on sent aussi le travail. Ah, oui. Pas un travail qui vous a coûté tellement vous étiez passionné, mais enfin, j'imagine que c'est une somme de travail parce que on a l'impression que c'est facile le flamenco, qu'il suffit de taper les pieds et de faire un petit peu la tête. On reviendra d'ailleurs sur le grand sourire des danseuses de flamenco, mais en fait, ça doit demander une masse de travail incroyable. Comme la danse classique. Je confirme. C'est tout à fait exact ce que vous dites. C'est-à-dire que de l'extérieur, on peut avoir comme ça l'impression que c'est facile. Voilà, on tape un peu des mains, des pieds et paf, ça le fait. On écrase des trucs par terre, on tape des mains n'importe comment. On remue la jupe. On remue la jupe. Voilà, c'est un cliché. On remue la jupe à poids. Donc à oui, on va balancer tous les clichés. Parce qu'il y en a plein, forcément. Et puis le chanteur, il a l'impression d'avoir mal au ventre. Enfin voilà. Aussi. Mais tout ça, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est une danse, c'est du travail. Énorme. Et je crois aussi qu'on peut dire, vous me direz si je me trompe, mais on sent que le danseur de flamenco est lui-même instrument. Oui. Parce que taper des mains, taper des pieds, c'est faire de la percussion. Absolument. Je ne suis pas très douée en musique, mais il m'apparaît même. Oui, le corps devient percussion. Et quand on entre dans la danse flamenco, obligatoirement, on devient un peu musicien, même si on ne pratique pas d'instrument. Oui. On reviendra sur cette interaction avec les musiciens. D'accord. Et justement, en parlant de musiciens, je voudrais qu'on écoute tout de suite le maître ou un des maîtres, Paco de Lucía. Oui. Ah bah c'est tout. Je n'en parle pas un peu plus. On envoie la musique et on en parle après, chère Sophie. Un morceau beaucoup plus enjoué, beaucoup plus joyeux. Alors, c'était Paco de Lucía. Bien évidemment, moi, je n'ai pas l'accent. Vous, Sophie, vous l'avez, comme on dit. C'est pas si mal, Alex, hein, mais on dit Paco de Lucía. Oui, mais quand même, ça chante autrement. Hein. Alors, moi, j'ai une question encore toute bête. Est-ce qu'il faut parler espagnol pour bien danser le flamenco? c'est fortement conseillé. Et puis de toute façon, on y vient par la force des choses. Parce qu'il y a un vocabulaire. Ah oui, alors il y a un vocabulaire, on va dire, dans le sens du jargon. Il y a un jargon flamenco. Mais c'est qu'il faut quand même, il y a quand même une composante majeure qui est le chant, el cante flamenco, qui est vraiment arrivé en tout premier dans la chronologie historique. Et le chant, il faut le comprendre. Parce que, oui, ça aide. C'est même pas que ça aide, c'est-à-dire qu'il accompagne. Ça accompagne. Et quand on danse, on interprète aussi ce que dit le chanteur. Et puis après, quand on est simplement dans l'écoute, et il faut en écouter hein, des heures et des heures et des heures, et il faut quand même comprendre les paroles, parce que sinon on perd l'essence. Oui, il y a un côté un peu artificiel, c'est-à-dire on plaque une danse sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on y vient forcément. L'espagnol voilà. En même temps que vous apprenez à danser le flamenco. De toute façon, on côtoie un monde quand même hispanophone. Hein. Oui. Que ça soit des Espagnols ou des non-espagnols, oui. On est obligé de s'y coller parce que après c'est plus facile aussi pour communiquer. Hein, donc oui, il faut parler à un moment donné, il faut se décider à parler espagnol. Il faut se lancer. Tout à l'heure, on rentrera dans le détail et vous nous donnerez un petit peu le vocabulaire flamenco pour les nuls, si je puis me permettre. Hein, comment ça s'appelle, de taper des pieds, taper des mains, tout ça, j'ai envie de savoir tout ça. Mais on reprend Sophie, donc qui a une vingtaine d'années, hein, qui découvre le flamenco à l'âge adulte. À 20 ans, on est adulte. C'est ça. Et vous prenez de plus en plus de cours, vous vous formez très, très vite. Mmh. Et est-ce qu'il y a, une étape à d'après dans votre façon de vivre le flamenco, une nouvelle rencontre? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Oui, oui, il y a une rencontre quand même majeure, hein, dans ma vie de flamenca et majeure dans ma vie privée, parce qu'en. Oui, j'ai 23 ans, je participe à un stage de danse en région parisienne, accompagnée à la guitare en live. Hein, c'est pas toujours le cas, parce qu'on peut pas toujours avoir un vrai musicien, mais là, en l'occurrence, j'avais un guitariste. C'est assez rare d'avoir des musiciens en live. Ah, oui. Et il se trouve que ce musicien deviendra mon mari. Voilà. Ah oui, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une rencontre. Une vraie. Une rencontre marquante. Marquante. Et là, c'est aussi au-delà de l'histoire d'amour, hein, dont on ne va peut-être pas parler ce matin, mais comme vous voulez. C'est évidemment quelqu'un qui vous prend par la main. Parce que vous rentrez de plein cœur dans la culture musicale. Oui, tout à fait. Surtout que quand j'ai rencontré mon mari, lui, il était déjà depuis tout petit dans le milieu flamenco. Il a commencé par la danse et ensuite il est venu à la guitare. C'est la partie espagnole de votre double nom. Voilà. On a cité. Absolument, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, il m'a pris par la main, il m'a énormément appris et orienté. Parce que parfois, on peut se tromper, hein. On peut aller là où c'est pas formidable, là où on n'est pas censé apprendre le meilleur. Donc, il a su me donner beaucoup, beaucoup de conseils, m'apprendre énormément. Donc ça, j'ai beaucoup progressé aussi grâce à lui. Mais alors, quand on est comme ça, aussi passionné et totalement enveloppé dans quelque chose comme ça de fort, hein, qui est tout un univers, mais c'est H24 à la maison? Oui. Pratiquement. Oui, oui, presque. Presque. Oui, absolument. Et après, on a commencé, alors un peu plus tard, on y viendra peut-être, à travailler ensemble, pour le coup. Donc là... Alors, mais moi, je voudrais quand même savoir à quel moment, comment vous êtes passé de quelqu'un qui se forme à quelqu'un qui devient pro. Alors encore une rencontre lors de cours que j'avais commencé à prendre dans un autre studio à Paris. Alors ça faisait déjà 2-3 ans hein, que j'avais commencé. Et bon, j'avais donc pas mal progressé du fait de mon investissement et puis de ma rencontre avec mon mari. Suffisamment progressé pour être repéré, on peut dire comme ça. On va dire comme ça, repéré. Mm-hmm. Et puis on m'a proposé dans une petite compagnie de flamenco de Paris d'intégrer cette compagnie puis de commencer à faire quelques spectacles. Oui, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, je fais des trucs comme ça dans mon coin, on m'en repère pas. Hein. On m'embauche pas. Hein. J'ai eu cette chance, flamenco et ensuite c'est allé très vite. Et puis après, on en fait de plus en plus. On fait des rencontres, on est peut-être de nouveau repéré par d'autres qui proposent des choses et puis on continue à travailler. C'est-à-dire à répéter, à travailler, c'est pas... On continue à prendre des cours d'un autre niveau, on fait des masterclass, et puis on... Mais on en rêve la nuit, hein, j'imagine. Ah ben oui, je pense que c'est... C'est vraiment, comme vous disiez, c'est enveloppant, on est complètement dedans. Puis quand on est deux, alors en plus, on a la vie privée qui vient... ajouter à cela, forcément on n'écoute que ça, on reçoit des amis qui eux-mêmes sont du même milieu. Oui, parce qu'après on vit dans une communauté aussi, flamenca, j'imagine, oui, avec d'autres passionnés. Oui, avec d'autres passionnés qui ne sont pas forcément des professionnels, mais il y a des passionnés extrêmement investis, qui ne sont pas forcément pros, mais qui sont amoureux du flamenco, et extrêmement respectueux du flamenco. Eh bien, comme on parlait de la famille, il est grand temps, je crois, de faire un petit clin d'œil à vos fils. Qui vous ont fait connaître certains styles de musique, certains morceaux. On va écouter ça. Il y a deux fils, alors on va essayer d'enchaîner deux morceaux. Formidable. Deux ambiances. Oui. Hein, ça arrive d'avoir des enfants avec des goûts très différents. Alors oui, là en l'occurrence, c'est vraiment deux ambiances différentes. Après, ils ont énormément de points de connexion quand même. Là, aujourd'hui, est-ce que ce serait la musique, par exemple? Je ne sais pas. Mais pas le flamenco. Il n'y en a aucun qui est la suite du papa. Non, la suite à part entière, non. Le grand joue un peu de flamenco. Le plus jeune apprécie énormément et est tout à fait capable de tenir le rythme. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont eu le choix? Oui, pas vraiment, non. Enfin, quand on baigne tellement dans quelque chose, soit ça prend, soit ça lasse un peu. Ça lasse, on peut s'en détourner, effectivement, ouais. Mais là, c'est pas là, le cas. Là, ça n'est pas le cas. Alors, moi, j'aimerais, Sophie, que vous nous relatiez quand même les choses extraordinaires qui vous sont arrivées pendant votre parcours professionnel, parce que j'ai entendu parler de cinéma. Oui. Vous avez tourné avec Claude Lelouch. Racontez-nous ça, un petit peu rapidement, oui, hein, parce rapidement. Que le temps passe, le temps file. Oui, bah, Claude Lelouch, j'ai eu la chance de participer au tournage de La Belle Histoire. Parenthèse, un très beau film, à la fois au tournage et donc double expérience, tournage, donc cinéma pur, et enregistrement en studio de la bande son, puisque dans le film, il y a beaucoup de chants, et des frappes de pied, des palmas qui sont enregistrées, et donc j'y ai participé. Alors, les palmas, également. Qu'est-ce que c'est? Okay, c'est ça, ce sont des palmas. Et les frappes de pied, ça s'appelle comment? C'est le zapateado. D'accord, voilà. Très bien. Voilà, déjà, palmas, zapateado, deux mots dans votre vocabulaire, messieurs, dames. Tiens, pendant qu'on parle, on va faire une petite tentative. Je vais envoyer une petite musique et on va essayer de parler dessus. Voyons si ça marche bien. Voilà, et on reprend. Comme ça, c'est tout doux. Oui. On entend du flamenco derrière, oui. Et on continue de parler. Donc, cinéma avec Claude Lelouch. Oui. Autre chose d'un peu incroyable. Alors, d'un peu incroyable, oui, j'ai eu aussi l'immense, privilège quand même, de passer, en 89, de passer une audition pour intégrer temporairement le ballet Antonio Gades, qui se produisait au Théâtre du Châtelet, en 89. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même ce qui se faisait de mieux à l'époque. Ah oui, c'était quand même maître du ballet flamenco, et qui a totalement... je crois aussi popularisé, hein. Oui, et puis modernisé, une esthétique incroyable qui en a séduit plus d'une effectivement, et qui reste un maître d'anthologie. Et là, qu'est-ce que ça fait d'intégrer une telle compagnie? Alors, déjà, on passe une audition, donc là déjà c'est quand même assez flippant, on va dire le mot. Et donc on a été quelques danseuses de Paris à être recrutées, de voir de l'intérieur. L'exigence, le travail que ça représente de mise en scène, d'exécution, d'interprétation, et puis être aux côtés de gens d'un niveau quand même. C'est les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs, et puis, moi je pense que si j'ai été recrutée, c'est parce que j'avais un niveau suffisant pour pouvoir répondre à cette demande, mais évidemment j'ai côtoyé des gens d'un niveau bien plus élevé. Et qu'est-ce que ça vous a appris, ce travail avec la compagnie Antonio Gades? Alors, que vous ne sachiez déjà. Ça tire vers le haut, ça c'est incontestable. Mais il y a des petites choses que vous n'aviez finalement jamais perçues encore. Alors, j'ai travaillé avec eux. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect ballet. Alors ça, effectivement, l'aspect ballet à ce niveau-là, c'est-à-dire le travail de synchronisation, le fait d'être tous ensemble. Parce que quand on est soliste, oui, c'est ce que j'allais dire. Le flamenco est souvent une danse. Oui, absolument. C'est plutôt une danse. Un danseur seul, mais avec un musicien. Voilà, exactement, ou une danseuse seule. Donc là, dans la mesure où on respecte le style dans lequel on écoute le chant, la guitare, on est dans le compas. Après, on gère comme compas, on veut. Compas, ça veut dire quoi? Un troisième mot. Alors le compas, ça a deux sens. Le compas, ça veut dire la mesure, c'est le sens de la mesure. La mesure rythmique. Rythmique, binaire ou ternaire, 4 temps, 12 temps, voilà. Et le compas aussi, ça veut dire, c'est le rythme flamenco. Le rythme au sens large, la pulse. C'est ça, avoir du compas, c'est ressentir cette pulse intérieure, et être dedans, tout le temps, et coller. Est-ce que je peux vous demander, alors, mais si vous pouvez l'exprimer, ce que vous ressentez quand vous dansez le flamenco? Ça, c'est une question terrible, parce qu'elle est déjà terriblement personnelle, mais... Oui, c'est pour ça, si vous ne voulez pas trop partager, Il y a une multitude de sensations, en fait. Hein. Il peut y avoir déjà, il y a le trac, il y a la peur, on se met en danger hein, quand on commence à se lever pour danser. Hein. Oui. Il y a un effet de symbiose avec le chant, la guitare. Il faut écouter, il faut exécuter correctement ce qu'on est en train de faire techniquement. On a le cœur qui bat à fond. On est fier aussi de ce qu'on fait. On est fier. Parce que, pas par vanité, hein, mais parce qu'on sait qu'on est en train c'est de faire quelque chose. C'est un défi. C'est un défi. On a la sensation quand on ne doit pas se mentir, qu'on ne doit pas mentir, qu'on doit être vrai et qu'on doit coller au code, respecter les codes tout en exprimant ce qu'on a exprimé avec sa personnalité, avec ce que l'on est. Et c'est pas facile. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans la musique? Ou bien vous savez exactement ce que le musicien va jouer, ce que le chanteur va chanter, et on a travaillé et ça va rouler comme ça. Il y a de la surprise quand même. Il y a toujours de la surprise, il y a toujours des petites parts d'improvisation, mais après, on peut aussi, comme on dit, monter entièrement une danse, mm-hmm. hein, de A à Z. Tout dépend de la manière de ce qui est demandé, tout dépend de l'ampleur du spectacle que l'on est en train de proposer, tout dépend de tout un tas de conditions de préparation. Mais il y a aussi beaucoup d'impro. À la base, c'est de l'impro. Hein. C'est de l'impro. À la base, c'est de l'impro. Après, il y a des parties qui sont montées aussi parce qu'il faut, assurer ou parce qu'on a envie de donner une couleur particulière à un moment, donc on va travailler. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, je dirais, historique? Sur l'origine du flamenco, pour ceux qui ne savent pas, un peu le flamenco pour les nuls. Ça vient du sud de l'Espagne. C'est populaire andalou, voilà. Alors, les origines sont très, sont assez controversées. Il n'y a rien d'absolument sûr à 100%. On n'est pas trop sûr. On n'est pas trop sûr. Il y aurait des influences de gens qui seraient venus de l'Inde, des gitans qui seraient venus de l'Inde, des influences juives, des influences méditerranéennes. Mais alors là, je ne vais pas m'étaler sur la question. En tout cas, c'est un brassage culturel. Il y a un brassage, ça c'est, je pense, assez incontestable. Mais je rentrerai pas dans les détails parce que... Et la danse et la musique sont nées ensemble, sont nées l'un de l'autre, l'un a accouché de l'autre. D'abord le chant, tout seul, la guitare est venue accompagner le chant et ensuite la danse est arrivée. Alors là, encore une fois, petite question de néophyte. Tout à l'heure, on écoutait un morceau que moi, je trouvais assez fort et vous me disiez, c'est plutôt assez joyeux. Oui. Alors là, il faut quand même qu'on m'explique, c'est vrai. Et mille excuses, hein, si vraiment je fais l'impertinente, mais quand on écoute du flamenco, on a quand même toujours l'impression qu'il y a une souffrance, y compris chez les danseurs. Les danseuses de flamenco ne sourient pas. Vous n'allez pas me contredire. Si, un petit peu. En tout cas, les chanteurs, on a quand même l'impression qu'ils souffrent. Hein. Bah parce que c'est super dur. c'est très, très dur. Mais c'est parce que le chant flamenco est toujours un chant de douleur. Même quand c'est joyeux, c'est quand même un peu dramatique. Il y a toujours une part de drame, oui. Puis à la base, c'est quand même c'est un cri de douleur d'un peuple, des joies et des peines, mais peut-être un peu plus des peines et voire même des persécutions. Et donc, Donc c'est quand même aussi une musique, peut-être pas de revendication, mais au moins de soulagement. C'est-à-dire, on s'extériorise on exprime ses souffrances, ses douleurs. Ok. Et je pense qu'on en a tous, enfin, on le fait tous. Mais c'est vrai que c'est particulièrement marqué dans le flamenco, où on sent qu'il y a toujours une intensité dans la danse, bien sûr, mais aussi dans le tempérament. Oui. Ça se voit, il y a plusieurs raisons à ça. C'est déjà, on doit être hyper concentré à 100%, à 1000% dans ce qu'on fait. Donc on peut pas être évasif, avoir le regard ailleurs et puis avoir la banane. Mais ça fait un tout. Et puis on écoute le chant. Quand on danse pour le Solea, qui est un style très profond, très grave, et qu'un chanteur nous chante un couplet. Voilà. Merci. Particulièrement douloureux, qui parle de, je sais pas, de mort, de trahison, de choses qui font. C'est quand même écho. Pas des thèmes faciles, hein. C'est pas. Oui, mais après il y a l'allégria. Il y a l'allégria aussi. Allégria, donc c'est la joie. Voilà, ce qu'on écoutait tout à l'heure de Camarón, qui pouvait paraître comme ça, d'être un cri de douleur, bon, c'était la joie. C'est terrible. C'était dans le style Alegria. En tout cas, ce que l'on ressent, c'est que ça n'est pas artificiel. Hein, tout ah, ça, oui, on sent oui, ni artificiel, oui. ni superficiel. Hein. On va quand même enchaîner. Avec parce que là peut-être qu'on perd les auditeurs. Non, revenez, parce que là Sophie nous a promis un morceau qui lui donne la banane, m'a-t-elle dit. Alors on écoute ça. Ça s'appelle comment? La Piña Colada Song. Tout un programme. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc sans avec modération. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. période de Dry January, hein, comme on dit, de janvier sec, ça parle quand même beaucoup d'alcool, je trouve, cette chanson. Hein. Et oui. Mais c'est très sympa. Alors, oui. c'est espagnol, c'est sud-américain, pas du tout. Pas du tout. C'est une chanson, je pense que c'est américain. Je ne suis pas allée chercher. C'est qui le chanteur? Rupert Holmes. Ah oui, effectivement, il ne fait pas très hispanique. Pas, très hispanique. Hein. Pas tellement, tellement. Ça a servi aussi de bande-son à un film, alors hyper drôle, qui est Copain pour toujours. Une comédie américaine un peu déjantée, là. Et donc, c'est comme ça que je l'ai connue, oui, cette chanson. C'est sympa. C'est léger, c'est, voilà, ça fait du bien aussi. Vous continuez toujours de danser chez vous, toutes sortes de danses? Oh, moi j'aime bien. Vous aimez, vous aimez le rythme. Oui. Alors, je ne sais plus où on en était de toutes nos superbes aventures. Alors, moi j'ai une question parce que j'ai déjà entendu parler de tango dans le flamenco. Alors, du coup, je suis totalement perdue. Pourquoi du tango dans le flamenco? Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir avec le tango argentin. Ah, d'accord, c'est ça. Ça on n'a parle rien de à voir. Tango flamenco. Alors, c'est quoi le tango flamenco? Le tango flamenco, c'est un des styles. Donc, j'en profite pour caler un petit mot de jargon. Oui. Hein, en flamenco, les styles, on appelle ça des palos. Des palos. Donc, il y a plusieurs palos dans le flamenco. Tout à fait. Et donc, c'est quoi? C'est des différents rythmes, différentes intentions? Oui, c'est des différentes structures rythmiques. Il y a tout ce qui est libre. Bon, ça, on n'en parlera pas parce que c'est que pour le chant ou la guitare, on ne danse pas. Mm-hmm. Mais après, il y a tous les palos qui sont structurés rythmiquement. Avec du binaire, du ternaire, voilà. Et le tango flamenco rentre dans la catégorie des. Et dans le tango, ça veut dire que c'est plutôt quelque chose de très vif, très lent. C'est pas très très lent, sinon c'est tientos. Donc c'est entre deux. C'est d'accord. Ni hyper rapide, ni lent, ni très lent. Okay. Et c'est un style plutôt plutôt joyeux. Enfin, c'est pas un style hyper c'est assez joyeux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre style? Alors, va... Du plus joyeux au moins joyeux. Ah, du est-ce plus qu'on joyeux. A une petite oui, alors une on a... petite progression. Voilà, si on part du plus joyeux, on a la buleria parce que c'est le ça c'est la fête. Le fin voilà, le fin de fiesta por buleria. Et les sevillanas, danse... c'est quoi? Alors c'est autre chose, ça c'est une danse régionale. Ah, de d'accord, OK, mais c'est très joyeux. Ah oui, la sevillana, c'est on fait la fête tous ensemble. Oui, carrément. Après, on peut les interpréter différemment. On peut les faire très graves aussi, hein, les sevillanas. On reviendra une fois, Sophie, pour vraiment rentrer dans le détail. Donc là, on a la buleria. La buleria, elle fait une des fiestas. Là, chacun sort, fait son petit. Ok, son petit truc, sa petite personnalité. Voilà. Ensuite, si on redescend d'un cran, mais toujours dans quelque chose de joyeux, et le nom le dit, on a le style alegría. Mm-hmm. 12 temps. Ok. Voilà, où là, ça se danse. Hein. C'est vraiment un des styles les plus dansés. D'accord. On peut se permettre de sourire éventuellement. Absolument. Hein, tout petit peu. Absolument. Et ensuite. Et si on redescend, là, on va tomber sur par exemple, la solea, que moi j'aime beaucoup, par exemple, la solea, dans les 12 temps aussi, style à 12 temps, les palos à 12 temps. C'est un des maîtres dans les palos, la solea. C'est vraiment très grave, là, on est vraiment dans. Là, ça rigole plus du tout. Ça rigole plus trop parce que ça parle de choses douloureuses, hein, en général. Hein. D'accord. C'est beaucoup je vais plus accompagner lent, le propos parce qu'on a effectivement beaucoup de musique que je veux passer. Mm. Je vais accompagner le propos avec un peu de Chopin parce que ça vous tenait à cœur. Oui. Et on va se permettre, oh là là, on va se permettre de parler sur du Chopin. C'est pas bien, hein, mais c'est parce que le temps file. On écoute 5 minutes, enfin pas 5 minutes, 5 secondes. Ça, c'est vraiment très, très, très joli. Hein. C'est un prélude. Mmh. On va se permettre de parler dessus parce qu'il va bien falloir conclure cette émission. Oui. C'est douloureux. Ouais. Donc, on était sur des morceaux qui sont de plus en plus tristes, de plus en plus dramatiques, on va dire, dans le tango. Non, dans le flamenco, dans le Alex. Flamenco, oui. Et alors, on arrive où? C'est quoi le plus dramatique? Oh bah là, avec la solea, on est déjà pas mal. La solea, on est au bout du bout, là. Il y a aussi la sigrilla, qui est aussi dans un registre assez, assez sombre et dramatique. Et, OK. Oui. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus, comment je dirais, peut-être un peu superficiel, mais qui n'en est pas. C'est le costume flamenco. Mm-hmm. On a tous en tête, évidemment, les danseuses avec la robe à pois et à volant. Est-ce qu'il y a des incontournables? Est-ce qu'il y a des choses qui sont nécessaires tant par leur symbole ou par l'utilité dans la danse? Je veux tout savoir. Tout tout savoir. Mais en quelques minutes. Hein. Alors là, aujourd'hui, on a vraiment une très grande liberté en matière de costume. Hein. Oui. On est vraiment sorti du costume dont vous parliez, Alex. Le costume avec plein de volants, plein de poids, plein de foufrous. Bon, ça c'est andalou. Voilà. Ça, alors c'est, là, ça c'est Sévillan. Ça existe toujours au moment de la feria. Oui. On s'habille beaucoup comme ça. Mais pour danser, c'est moins pratique. Les costumes avant étaient très lourds. Il y avait beaucoup de tissus. Mais quand même, il faut du volant pour accompagner le mouvement. Pas forcément. Non, pas forcément. Là aujourd'hui, on peut danser avec des jupes sans aucun volant. Mais fluide. Fluide. Que ce soit oui, fluide. Quand même. Hein, il faut avoir une liberté de mouvement parce qu'il y a quand même une amplitude. Mais on est vraiment dans quelque chose de peut-être beaucoup plus sobre. Avant. On a même des femmes qui dansent en pantalon, absolument, ça se voit aussi. Absolument, on a eu Carmen Amaya qui était en pantalon il y a bien longtemps. Ouais. Et on peut danser en pantalon, oui. Moi, je suis pas personnellement. En tout cas, il n'y a fan, rien. Voilà. Donc, il y a effectivement cette référence culturelle, on va dire, hein, mais qui n'est pas une incantation. Hein, c'est pas une obligation. Ah, oui, c'est non. pas sacrilège non. De ne pas s'habiller comme ça ou de pas mettre de mantille ou je ne sais quoi. Ouais. Mais il n'y a rien dans le costume qui soit absolument nécessaire pour danser correctement le flamenco. Non. Ok. Ah, les castagnettes, c'est accessoire. C'est accessoire. Oui. C'est une percussion, encore c'est une percussion. Hein, mais c'est pas du tout indispensable d'en passer par là. Ok. Et alors, je vais oser, puisque je crois qu'on arrive à la fin de notre émission, je vais oser la question la plus impertinente. Quand on vous dit, le flamenco, c'est du folklore, c'est totalement dépassé, c'est le truc de mon arrière-grand-mère, qu'est-ce que vous répondez, Sophie ? Alors déjà, c'est pas du folklore. C'est un art populaire, c'est de l'art populaire andalou, mais le folklore c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien, voilà, à voir. Rien à voir. Bah, j'ai envie de dire, venez découvrir, venez approfondir un peu, si vous venez voir, bien venez sûr. Voir, bien sûr. On vous a donné à entendre des choses différentes ce matin. Oui. Mais il y a est-ce qu'il y a un renouveau permanent du flamenco, oui, c'est-à-dire des gens qui osent des danses un peu plus contemporaines, un renouveau de la musique aussi, de la scène musicale flamenca. Oui, depuis déjà bien longtemps, c'est-à-dire déjà depuis Paco de Lucía, Camarón, ils ont ouvert des portes, hein, vraiment de renouveau, mais avec toujours le respect des codes anciens, de tout ce qui avait été établi des décennies et des décennies avant. Et ils ont su justement apporter du nouveau, c'est-à-dire éventuellement de nouvelles sonorités, de nouveaux instruments, avec une incroyable justesse, avec la dose qu'il faut, avec le respect des codes, avec l'élégance qu'il faut. Et ça, c'est très compliqué, hein, d'apporter ce renouveau-là. Oui, sans être effectivement dans le sacrilège. Voilà, c'est toujours difficile parce qu'il faut à la fois continuer de faire vivre une culture sans faire de pastiche en permanence, mais voilà, trouver la juste modernité, ça n'est pas évident. Mais c'est vrai que moi, je vais faire une petite confidence. J'aime beaucoup cet univers et il m'est arrivé de voir des passerelles très intéressantes avec de la danse contemporaine, du jazz, même de la variété. Et ça n'est pas irrespectueux. Mais absolument. C'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps et qui continue de vivre. C'est un art vivant, même à 1000%. C'est un art vivant. Donc, écoutez, il faut le laisser vivre et puis l'écouter, l'aimer et voilà. Le partager. Le partager, comme on l'a fait ce matin. Tout à fait. Mais quelle meilleure conclusion, Sophie. Je crois que nous n'avons pas fait le tour du sujet parce qu'il y a tellement à dire. J'aimerais vraiment que vous reveniez, peut-être avec votre mari, un dimanche après-midi. Oui. On ferait un petit duo avec danseuse, plaisir. Accompagnateur, ce serait vraiment très chouette. Oui. Mais effectivement, le partage, le respect, la diversité, le brassage, ce sont vraiment des mots qui ont résonné très fort dans cette émission ce matin. Je vous remercie beaucoup et bien naturellement, je vous laisse le mot de la fin pour lancer la dédicace que vous avez choisie. Merci beaucoup Sophie pour ce grand moment de générosité et de densité. Je vous laisse là. Merci Alex. Donc pour la dédicace, j'ai choisi alors une chanson populaire d'Argentine, qui m'a touchée énormément dès la première écoute il y a pas mal d'années, qui s'appelle Alfonsina y el Mar. fosforescentes caballos marinos harán una ronda dorada. Y los habitantes del lago van a jugar pronto a dorado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy.